بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لون جاء الله عز وجل en cette nuit du 25 رمضان 1441 qui correspond au 17 mai 2020, on se retrouve sur les ondes de la radio de Taqwa pour un rappel concernant Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Et nous prenons ce rappel directement de Umdat al-Ahkam avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, Tanbih al-Afham. Et avant de passer à Zakat al-Fitr, pour compléter, je vais compléter le sujet de l'i'tikaf en rajoutant ceci à ce qui a été dit lors de la précédente assise concernant l'i'tikaf. L'i'tikaf, qui est la retraite spirituelle, est une sunna pendant le mois de Ramadan. Et c'est aussi une sunna au cours des autres jours de l'année. La preuve de l'i'tikaf, قال عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. Il y a comme preuve ce verset dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: mais ne les approchez pas pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Le verset, il est dans sourate al-Baqara, verset 187. Et aussi, cela est prouvé par les hadiths authentiques et par de nombreux propos des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et il est prouvé que le prophète alayhi salatu wasalam a fait une retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du mois de Shawwal. Cela est contenu dans un hadith de Aisha radiyallahu anha, rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim et par Ibn Khuzayma rahimahumullah. Et le hadith, il est cité dans le tantique d'Abu Daoud rahimahullah. Omar a dit au prophète alayhi salatu wasalam: j'avais pris un engagement devant Allah dans la période pré-islamique que de me retirer une nuit en retraite spirituelle à la mosquée sacrée. Que dois-je faire? Le prophète lui a dit: respecte ton engagement. Et le mieux pour l'i'tikaf, c'est de l'accomplir durant le mois de Ramadan. Selon le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Ibn Khuzayma, et il est dans l'authentique de Abu Daoud rahmatullahi alayhi. Le hadith nous dit ceci: kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubida fi i'takafa 20 yawman. Le hadith nous dit ceci: le messager d'Allah faisait une retraite spirituelle de 10 jours au cours de chaque mois de Ramadan. L'année de sa mort, alayhi salatu wasalam, il en fait une vingtaine de jours. C'est-à-dire, il a fait 20 jours d'i'tikaf, salawat rabbi wa salamu alayhi. Donc, selon la parole des hommes de science, la meilleure retraite spirituelle, le meilleur i'tikaf, est celle qui s'accomplit à la fin du mois de Ramadan, car c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam. La retraite spirituelle ne s'accomplit pas dans les maisons. Abedan. La retraite spirituelle s'accomplit dans les mosquées. Et selon l'avis le plus fort des savants, il faut que ce soit une mosquée dans laquelle s'accomplit la prière du Jumu'ah, pour que le mu'takif, celui qui est en retraite spirituelle, ne soit pas obligé de quitter la mosquée pour aller à une autre pour accomplir la prière du vendredi. Car il est obligatoire d'assister à la prière du Jumu'ah. et aussi pour la parole de Aïcha radiallahu anha rapportée dans Sahih Abu Daoud. Aïcha a dit: point de retraite spirituelle sauf dans une mosquée où l'on prie la prière du vendredi. Et l'essence de l'i'tikaf constitue à couper tout lien avec les créatures pour se consacrer à l'invocation et l'évocation du Créateur. C'est pour ça qu'on doit sortir de son lieu de i'tikaf que pour ce qui est strictement nécessaire pour manger, boire, se purifier et ce qui est semblable à cela. Si on sort pour une raison non valable, la retraite spirituelle est invalidée. Celui qui accomplit l'i'tikaf ne doit ni rendre visite à un malade, ni participer à un enterrement, ni visiter un proche. Et le jeûne n'est pas une condition de la validité de l'i'tikaf selon l'avis de la majorité des savants. Savoir que le rapport avec l'épouse annule la période de l'i'tikaf. Et si la personne veut retourner à son i'tikaf, il doit renouveler l'intention pour une autre période. La première période, il a fait par exemple 3 jours d'i'tikaf. Il voulait faire 7. Il est passé à la maison, il a eu un rapport avec sa femme. Ça y est, sa période est annulée. Il a eu ses 3 jours. Et donc, s'il veut continuer, il doit renouveler une intention pour rentrer dans l'i'tikaf. Les savants disent qu'il est recommandé à celui qui accomplit une retraite spirituelle de se consacrer à l'adoration. Prière, lecture du Coran, l'invocation d'Allah, l'aumône, le jeûne. Mais il n'y a pas de forme d'invocation spécifique ou d'adoration particulière pour l'i'tikaf. Il n'y a donc pas d'acte spécifique à accomplir pendant l'i'tikaf, mais la meilleure invocation d'Allah pendant l'i'tikaf, c'est la lecture du Coran avec méditation. Et aussi, il faut profiter de cette occasion pour faire le compte avec soi-même. Celui qui pratique l'i'tikaf doit s'éloigner de tout ce qui ne le concerne pas. Des controverses, des débats et de l'abus de parole, car cela est réprouvable en raison de la parole du messager alayhi salam rapportée par Tirmidhi et qui est un hadith qui fait partie des 40 Nawawi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Et ça, pendant l'i'tikaf et en dehors de l'i'tikaf, et donc pendant l'i'tikaf, encore plus. Concernant la durée de l'i'tikaf, l'acte du prophète alayhi salam a été de 10 jours. Mais il a permis à Omar ibn al-Khattab un jour ou une nuit. Maintenant, la question qui se pose: est-il permis à celui qui se rend à la mosquée d'avoir l'intention de l'i'tikaf le temps qu'il y demeure et le temps qu'il reste à la mosquée? Certains savants sont de cet avis. Par exemple, on vient à la mosquée pour prier le maghrib et nous restons jusqu'à l'isha. Vu que le jeûne n'est pas une condition dans l'i'tikaf, on y reste avec l'intention de l'i'tikaf. Mais il faut savoir que cet avis est très très faible. Et les hommes de science authentificateurs disent qu'il n'est pas légiféré et qu'il n'est pas et qu'on ne doit pas le recommander aux gens. Le prophète et ses compagnons se rendaient à la mosquée tous les jours et aucun d'eux n'a orienté vers le fait d'avoir l'intention de l'i'tikaf le temps qu'on reste à la mosquée. Wa khayrul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ميور دي فوا إلى فوا دي محمد عليه الصلاة والسلام والخير كل الخير في اتباع من سلف et le bien et tout le bien est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés parmi les plus prédécesseurs d'Allah Alim. Et comme ils ne l'ont pas fait, on n'a pas à le faire. Et comme l'i'tikaf ne se fait pas dans les maisons, mais seulement dans les mosquées, qu'on n'émise pas notre raison là où il ne faut pas. Et dire, les mosquées sont fermées actuellement, donc on accomplit l'i'tikaf dans les maisons. Et certainement, vous avez entendu et lu la fatwa du Cheikh Abdallah al-Bukhari à ce niveau-là. Donc, pas d'i'tikaf dans les maisons. L'i'tikaf doit se faire dans les mosquées. Et si on est confiné, les mosquées sont fermées. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Mais c'est une adoration qui doit s'accomplir à la mosquée. وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ. Et si ces retraites spirituelles se faisaient dans les maisons, les pieux prédécesseurs seraient les premiers à l'avoir fait et il aurait été transmis de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Mais comme ils ne l'ont pas fait, il n'a pas été transmis d'eux, on n'a pas à le faire. La meilleure des voies étant celle de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim qui est basée sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que concernant l'itikaf, il y a une divergence entre les savants à cause d'un hadith authentique rapporté par Tahawi et par le Bayhaqi, par l'Ismaili. Ce hadith, il est cité dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr Abdil Albani rahmatullah alayhi, Silsila Sahiha. Le hadith dit l'i'tikafa illa fi al-masajid al-thalatha. Le hadith dit point de retraite spirituelle sauf dans les trois mosquées, à savoir la mosquée de la Mecque, de Médine, et la mosquée de Jérusalem, l'Aqsa. Et c'est la vie, comme l'a cité Cheikh Nasr Abdil Albani dans sa Risala Qiyam Ramadan, c'est la vie sur laquelle était Hudayfa ibn al-Yaman, sur laquelle était Saïd ibn al-Musayyib, sur laquelle était Ata ibn al-Rabah, sauf qu'Ata n'a pas cité la mosquée l'Aqsa. Il a cité que la Mecque et Médine. Et l'autre avis de la grande majorité, c'est qu'il s'agit de toute mosquée dans laquelle s'accomplit la prière du vendredi. Hein? Donc, l'avis des hommes de science est partagé. Et Cheikh Nasr Din al-Albani, rahmatullah alayh, quand il a cité, la condition de la mosquée, dans laquelle doit s'accomplir que la retraite doit se faire dans une mosquée où s'accomplit la prière du vendredi, après il a ramené le hadith de qui vient d'être cité, que l'i'tikaf ne se fait que dans trois mosquées. Mais en tous les cas, la grande majorité des hommes de science voient que l'i'tikaf s'accomplit dans les autres mosquées, du moment que, à condition que ces mosquées on y accomplit le vendredi, pour que celui qui est en retraite spirituelle ne soit pas obligé de quitter la mosquée pour faire sa Jumu'ah. Wallahu a'la wa a'lam. Et passons maintenant à Zakat al-Fitr, que nous prenons directement dans Umdat al-Ahkam avec l'interprétation du Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Babu Sadaqat al-Fitr. Sadaqat al-Fitr, sa'un min ta'amin yudfa'u lil-fuqara 'inda al-Fitr min Ramadan. فإضافتها إليه من باب إضافة الشيء إلى وقته كما يقال صلاة الفجر وصلاة المغرب. فرضت صدقة الفطر من فرض الصيام مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فأداؤها عبادة لله تعالى وتزكية للدافع وطهرة لمن صام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لينعموا بها في يوم العيد كما ينعموا فيه الأغنياء. Et donc, le monde de la rupture du jeûne, le monde de la rupture du jeûne, c'est celle dont on s'acquitte précisément à l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Le fait de l'annexer et de dire le monde de la rupture du jeûne, le fait de d'annexer l'aumône à la rupture, c'est le fait de l'annexer au temps où il s'accomplit, où il doit être accompli. Comme on dit, la prière du Fajr parce que c'est le temps, il faut l'accomplir. Ou la prière du Maghreb, parce que c'est le temps, il faut l'accomplir. Il en est de même pour Zakat al-Fitr. Hein? Le moment de la rupture du jeûne et la mesure est dans ça. Le ça a été estimé dans la mesure actuelle entre 2,40 kg et 2,5 kg. Hein? De nourriture qui doit être donnée aux pauvres et aux nécessiteux. L'Ejnet Daima a dit, le conseil permanent des hommes de science à Riyad a dit que en sortant 3 kilos, la personne a fait ses précautions et alhamdulillah. Donc, l'Ejnet Daima voit qu'il faut la sortir en 3 kilos et quand on la sort avec 3 kilos, quand on sort 3 kilos, on a pris vachement une large précaution. Walhamdulillah. Donc, Zakat al-Fitr doit être donné aux pauvres au moment de la rupture de Ramadan et avant la prière de l'Eid. Avant la prière de l'Eid. C'est-à-dire, le mieux, c'est qu'il soit sorti avant qu'on parte à Salat l'Eid. Si on a la possibilité de la donner avant d'arriver à Salat l'Eid et qu'on est sûr qu'on va la donner avant que la Salat ne soit accomplie. Sinon, selon certaines paroles d'hommes de science, on a le droit de la sortir 2 jours ou 1 jour avant. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, Zakat al-Fitr fut imposé à la communauté la même année que le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire en l'an 2 de l'Hijr. Son acquitté est un acte d'adoration, et c'est une purification de celui qui s'en acquitte. Il purifie les manquements et fautes du... La Zakat al-Fitr purifie les manquements et les fautes du jeûneur lors de son jeûne. Et c'est aussi une nourriture pour les pauvres durant cette journée de fête, et il leur prodigue la joie, ils se réjouissent durant la fête comme les riches. Il leur permet de se réjouir et d'être dans leur suffisance comme les riches. Alhamdulillah. Al-Hadith al-Awwal. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qad farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitri أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Et donc le premier hadith de ce chapitre qui est le hadith numéro 172 dans Umdat al-Ahkam, Abdullah ibn Umar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, selon lui, le messager d'Allah a prescrit Zakat al-Fitr pour l'homme, la femme, la personne libre, l'esclave, un sa' de date ou d'orge. Et il a dit, radiyallahu anhu arda, les gens remplacèrent cette mesure par sa moitié de blé pour le petit et le grand. Et dans une autre version, on doit s'en acquitter avant que les gens sortent pour se rendre à la prière du Eid. موضوع الحديث زكاة الفطر حكمها ومقدارها ونوعها. Et donc le sujet du hadith, c'est le statut de Zakat al-Fitr et la variété des matières de laquelle on la sort et le poids qu'on doit sortir. Tout ça est traité dans ce hadith. شرح الكلمات فرض أوجب إيجابا مؤكدا صدقة الفطر أي زكاة الفطر سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها وأضيفت إلى الفطر إلى الفطر إضافة الشيء إلى وقته أو قال رمضان أو للشك من أحد الرواة هل قال صدقة الفطر أو قال صدقة رمضان؟ والمراد واحد على كلا اللفظين، صاعا بالنصب بدلا أو عطف أو عطف بيان من صدقة. والصاع مكيال يبلغ وزنه بالبر الجيد 480 متقالا، أي كيلوين وأربعين جراما تقريبا. قال أي عبد الله بن عمر، فعادل الناس أي جعلوا عديلا له. والمراد بالناس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته ومن تبعه، به أي بالصاع من التمر أو الشعير، أن تؤدى، أن توصل إلى مستحقها، إلى الصلاة أي صلاة العيد. ونأتي إلى الشرح الإجمالي. قال رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته: من كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس والأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة. ومن فروع هذه القاعدة السامية فرض زكاة الفطر، ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أمته زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو شعير، فلما كثر البر عند الناس وكان أنفس منهما رأوا أن نصف الصاع منه يعدل صاعا من التمر أو الشعير، فصاروا يخرجون منه في الفطرة نصف صاع. ولما كان أعظم المقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد ومشاركة الأغنياء في الفرح به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. Donc on arrive au sens du hadith. La législation musulmane est complète et parfaite. Il est légiféré que ce la législation musulmane est complète et parfaite. Il a légiféré ce qui purifie les âmes et qui renforce les liens de fraternité et d'affection et les liens sociaux. Parmi les bienfaits de la législation, l'obligation de cette zakat al-fitr. Dans ce hadith, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, annonce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a imposé zakat al-fitr à sa communauté un sa'a. Un sa'a de date ou d'orge. Mais quand il y a eu le blé en abondance chez les gens, et que le blé était plus cher et mieux que l'orge et les dattes, ils ont vu que la moitié d'un sa' de blé suffisait et qu'il est équivalent à un sa' de dattes et d'orge. Et donc, ils donnaient la moitié du sa' de blé. Le but de cette zakat, c'est de combler le besoin des pauvres. Le prophète a ordonné de la sortir avant que les gens n'aillent à la prière du l'Eid. ونأتي إلى فوائد الحديث. أولا فرض زكاة الفطر على كل واحد من المسلمين. La leçon, les leçons du hadith, premièrement, l'obligation de zakat al-fitr pour chaque musulman et musulmane. Chaque individu par les musulmans, il est obligatoire de sortir zakat al-fitr. Taniyan, anna miqdaraha sa'un min tamrin aw sha'ir. La quantité de cette zakat est un sa' de date ou d'orge. Et donc, nous avons vu, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, que ceci équivaut à 2,40 g ou 2,500 g. Le conseil permanent des hommes de science a dit 3 kilos. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة أن من الناس من جعل مقدارها من البر نصف صاع، والراجح أنه صاع لعموم الحديث. La troisième leçon à retenir ici, dans ce hadith, il y a des gens qui l'ont changé un demi-sa' de blé. Mais, il dit, rahmatullah alayhi, le prépondérant, c'est que ça doit être sorti, hein, ça doit être sorti, ça doit rester un sa'. C'est-à-dire, la mesure doit rester telle qu'elle. Car le hadith est général, et le hadith n'a pas fait l'exception d'aucune matière. Il n'a accepté aucune matière. Donc, Cheikh Al-Utaymi dit, ça doit rester, la mesure doit rester comme elle était à l'époque du prophète, alayhi salam. Rabi'an, wujubu ikhrajiha قبل صلاة العيد والأفضل أن تكون في صباح العيد. Donc la quatrième leçon, l'obligation de s'en acquitter avant d'aller à la prière du Eid. Et le mieux, c'est que ça soit la matinée du Eid. Hein? Le mieux. Hein? Mais comme disent les hommes de science, hein? On peut la sortir le 29 ou le 30. Il n'y a pas de mal à cela. Mais si on a la possibilité, on est sûr qu'on va arriver à la donner avant qu'on rentre dans la prière, c'est encore mieux. الفائدة الخامسة من هذا الحديث حكمة التشريع الإسلامي. Et la cinquième leçon, c'est nous montre la perfection de la législation musulmane. Et le noble but de cette législation musulmane. ونأتي إلى الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه ما كنت لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, on arrive au deuxième hadith dans ce chapitre, qui est le numéro 173 dans Umdat al-Ahkam, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, nous donnions zakat al-fitr, un sa' de nourriture, ou un sa' de date, ou un sa' d'orge, ou un sa' de fromage cuit séché, ou un sa' de raisin sec. Et lorsque est apparu le blé, Muawiyah, ce Sakhilafa, a dit, je pense qu'un moud de blé est équivalent à 2 mouds d'orge et de date. Abu Saïd al-Khudri a dit, quant à moi, je continue à la donner, c'est-à-dire zakat al-fitr, comme je le faisais à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. ترجمت من ورد ذكره في هذا الحديث معاوية هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه ولد قبل البعثة بخمس سنين أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتابه كان من دهاة العرب وفصحائهم وكرمائهم حليما وقورا شهما ولاه عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان واستمر عليها إلى أن ولي الخلافة واتفقت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما سنة 41 حتى توفي في دمشق في شهر رجب سنة 60 radiyallahu anhu wa arda. Dans le hadith, il citait Muawiyah ibn Abi Sufyan, بن حرب بن أمية لقريشيت لمياد. معاوية الفيس دابو سفيان إني 5 ans avant l'envoi du messager alayhi salatu wassalam, avant que, que notre prophète reçoive son message, 5 ans avant, Muawiyah est né, était né. Il est rentré dans l'islam et il a déclaré l'année de la conquête de la Mecque. Et il a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam. Il faisait partie de ses secrétaires qui écrivaient pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il faisait partie des cracks arabes et des éloquents parmi eux. Il était généreux, serein, brave, doué d'une grande intelligence et d'une grande raison. Hein? Omar ibn al-Khattab l'a nommé comme gouverneur sur le département du Cham, du nord de l'Arabie. Le Cham qui concerne la Palestine, la Jordanie, le Liban et... Hein, la Syrie. Donc, Omar ibn al-Khattab l'a nommé comme préfet, comme gouverneur sur le département de Cham, en succession à son frère Yazid ibn Abi Sufyan. Son frère était nommé par avant lui sur ce poste et lui lui a succédé à ce poste. Et il est resté dans ce poste radiallahu anhu arda jusqu'à ce qu'il soit devenu calife des musulmans. Il khalif de la communauté musulmane et il y a eu l'unanimité sur lui pour la khilafa après que le Hassan ibn Ali y a renoncé en l'an 41. Muawiyah est mort à Damas le mois de Rajab en l'an 62 l'Hijr. Mawdou' al-hadith bayan miqdar zakat al-fitr wa naw'iha. Le sujet du hadith, la clarification sur le poids et les matières du zakat al-fitr. Sharh al-kalimat, nu'tiha, nu'ti zakat al-fitr al-fuqara, sa'an halun minha fi nu'tiha, wa sabaqa bayan miqdar as-sa' fi sharh al-hadith. رقم 172 من طعام أم مما يطعمه الناس وهو مجمل يفسره ما بعده أقط بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها لبن الغنم المطبوخ المجفف زبيب عنب جاف بمنزلة التمر في ثمر النخل جاء معاوية أي جاء إلى المدينة حاجا أو معتمرا أثناء خلافته وجاءت السمراء أي كتلت في المدينة والسمراء حنطة تأتي من الشام لونها أسمر أي بين السواد والبياض أرى من الرأي وهو الاعتقاد مدا ربع صاع وسبق بيان مقدار الصاع من هذه أي من السمراء يعدل أي يعادل مدين أي من الشعير والإقط والزبيب والتمر فلا أزال أي أستمر أخرجه أي الصاع على عهدي على زمني ونأتي إلى الشرح الإجمالي يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وبين ذلك الطعام بأنه الشعير والإقط والزبيب وزاد في روايته التمر وكانت هذه الأصناف الأربعة طعامهم في ذلك الوقت فلما كتلت الحنطة الشامية كانت نفيسة عند الناس فقدم معاوية في خلافته إلى المدينة حاجا ومعتمرا فقال أرى مدا من الحنطة يعدل مدين من غيرها أي فيكون نصف الصاع منها مجزئا في الفطرة ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر هذا الرأي والتزم أن يستمر على إخراج صاع من أي طعام كان كما كان يخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le sens général de ce hadith, Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه وارضاه annonce que les gens à l'époque du prophète alayhi salam donnaient un sa' pour zakat le fitr, un sa' d'orge ou de fromage cuit séché ou de raisin sec. Et dans une autre version, il a rajouté les dates aussi. Dans la version d'Abu Saïd al-Khudri, il a rajouté les dates. Ces quatre matières étaient leur nourriture à cette époque. Et quand il y a eu l'abondance du blé du Cham et qu'il a été plus cher pour les gens, comme Muawiya lors de sa khilafa est venu à Médine, soit pour la Umra ou pour le Hajj, il a dit, je vois que le blé veut vous deux fois les autres matières. Donc la moitié d'un sa' est suffisante pour zakat al-fitr. Mais Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda n'a pas accepté cela. Il a continué à donner zakat al-fitr en sa' de nourriture. Et comme il le faisait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Wa na'ti ila fawa'id al-hadith. أولا أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة. Et on arrive au leçon du hadith. La première leçon, le poids de زكاة الفطر est un صاع. Est un صاع de nourriture, même si les matières et les valeurs sont différentes. Écoutez bien. Ce que dit Cheikh Al-Utaymin, le poids de zakat al-fitr est un sa' de nourriture, même si les matières et leurs valeurs sont différentes. Al-fa'idat al-thaniya, anna ikhtilaf as-sahabati radiyallahu anhum fi miqdariha min al-burr, wal-rajih annahu sa' li'umum al-hadith. Il dit, on retient aussi dans ce hadith, la deuxième leçon, la divergence entre les compagnons dans les quantités du blé, dans les quantités concernant surtout le blé, mais il dit le prépondérant, c'est que c'est un sa' pour le blé et pour toutes les autres matières. Pour le sens général du hadith qui ne fait pas d'exception pour une matière quelconque. Rabi'an, talitan, أن كل طعام للآدميين مجزئ في الفطرة وإنما خصت الأصناف الأربعة بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit troisième leçon, toutes les nourritures des humains sont valables pour la zakat, pour zakat al-fitr. Il dit il a été cité ces quatre car c'était la nourriture qu'on est à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. رابعا أن إخراج غير الطعام من الفلوس وغيرها لا يجزئ في الفطرة. La quatrième leçon à retenir, la sortir en argent n'est pas permis. Il ne remplit pas le devoir de l'acquittement de la zakat, de zakat al-fitr. أبدا. خامسا فضيلة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. La cinquième leçon, les mérites d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه. La sixième leçon, أن مخالفة ولي الأمر في رأيه في الأمور الدينية لا تعد خروجا عليه. La sixième leçon, le fait d'être en divergence avec l'opinion du gouverneur ou le point de vue du gouverneur sur un sujet de la religion n'est pas considéré comme une rébellion contre le gouverneur. Hein? Et ceci, il est très clair. Et si c'est la fin de l'interprétation de ce chapitre du zakat al-fitr, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde l'auteur de Umdat al-Ihkam et aussi hein, l'auteur de Tanbih al-Afham, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le firdaus al-a'la, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de nos hommes de science, vivants et morts, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Je rajouterai ici un avis du noble compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardah. Uthman ibn Affan voit qu'il est préférable de sortir zakat al-fitr sur le fœtus qui a eu 4 mois et plus dans le ventre de sa mère. Ça, c'est un avis de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Et frère en Allah, Azza wa Jal, nous devons nous rappeler mutuellement que nous sommes dans une noble saison et dans des moments particuliers. Et cette nuit, c'est la nuit du 25 Ramadan pour certains. Et pour nos frères et sœurs du Maroc, ça va être demain. Mais en tous les cas, ces 10 derniers jours, vous voyez comment ils passent aussi très vite. Nous ne devons pas négliger ce qui reste de notre mois de Ramadan. Nous devons profiter de cette saison par qu'on ne sait pas si on vivra jusqu'à l'année prochaine. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Et donc le temps que nous avons, nous devons en profiter et l'utiliser dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et parmi les nobles choses dans lesquelles on peut l'utiliser, ces 10 derniers jours qui nous restent dans le mois de Ramadan, la lecture du Coran, les veillées nocturnes, en priant, en lisant le Coran, en invoquant Allah, en méditant la création d'Allah Azza wa Jal, en méditant notre situation, en essayant de faire les comptes avec nous-mêmes et de voir où nous sommes par rapport à notre soumission à Allah Azza wa Jal, où nous sommes par rapport à nous-mêmes, où nous sommes par rapport à nos femmes, par rapport à nos enfants, par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à nos parents, par rapport à la société dans laquelle on évolue et dans laquelle on vit. Et si nous avons des lacunes, nous devons nous repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de remédier à nos erreurs et à nos lacunes. Et qu'on ne se laisse pas aller. Regardez, on n'est rien du tout, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal. On n'est rien du tout. Une petite chose qui ne se voit même pas à l'œil nu a mis à genoux le monde entier. Cela nous prouve la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il veut une chose, il lui dit soit et il est. Et nous devons nous purifier de notre orgueil, de ne pas être enflé d'orgueil et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et s'acquitter de nos devoirs comme il se doit. Parce que la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est proche. Et il nous faut une provision pour rencontrer Allah azza wa jal. Et cette provision n'est que taqwa, comme il est dit dans le verset, « Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa » et faites vos provisions, et la meilleure des provisions est ton taqwa, taqwa qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en espérant les récompenses min Allah. Et c'est le fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah azza wa jal. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, an yuballighana wa iyaakum laylat al-qadr, wa an yarzuqana wa iyaakum أجرها وثوابها وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين اللهم ارفع عن المسلمين هذا الوباء اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء اللهم اجعله في أعدائك أعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا